Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Le parcours d'une vie de femme, d'intellectuelle, de militante indépendantiste et féministe en Algérie, c'est La Voix Nue de Wassila Tamzali, dont nous avons déjà pu entendre les trois premiers volets. La maison de Saint-Eugène, faire la révolution à la Cinémathèque d'Alger, de l'espoir à la désillusion, les promesses non tenues de la révolution algérienne. Des sous-titres évocateurs. Voici la suite et fin du parcours de Wassila Tamzali, issue d'une famille libérale bourgeoise ayant vécu, selon ses propres termes, dans une certaine prospérité, devenue plus tard avocate à Alger et qui a travaillé sur la condition féminine à l'UNESCO. Un plaidoyer pour l'égalité. Première diffusion sur France Culture, mars 2012. À voix nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wassila Tamzali. Ce soir, des femmes trahies par leur révolution. Wassila Tamzali, bonjour. Donc c'est aujourd'hui le quatrième de nos entretiens. Des entretiens qui s'accrochent au récit que vous faites dans votre livre Une éducation algérienne, paru en 2010, une biographie qui est la vôtre autant que celle de l'Algérie. Nous avons évoqué votre enfance à l'ombre bienveillante d'une famille moderne et prospère, l'assassinat de votre père, mais aussi la fièvre et la joie de cette révolution qui pourtant n'a pas su tenir ses promesses et qui n'a pas voulu vous laisser la place d'être librement celle que vous êtes. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la condition des femmes et du féminisme qui traverse tous vos écrits. Élevée dans l'égalité, vous avez défendu les femmes en tant qu'avocate et travaillé sur la condition féminine au sein de l'UNESCO. Préoccupée par le statut des femmes en Algérie, votre livre « Une éducation algérienne » et « Une femme en colère » aussi sont des plaidoyers pour l'égalité et pour le droit à l'universalisme. Donc aujourd'hui, quatrième volet, des femmes trahies par leur révolution. Pour amorcer cette discussion, je voudrais convoquer encore une image, alors une scène fondatrice peut-être que vous décrivez dans votre récit, celle d'un goûter d'enfant dans la ferme familiale où la bonne de la maison vous demande de laisser la plus grosse part de gâteau que vous vous apprêtiez à prendre à votre frère puisque c'est un garçon. Alors je voudrais que vous me disiez comment à l'époque vous avez réagi et puis ce que ça dit aussi de la manière dont vous avez été élevé. Oui, à l'époque j'étais... J'étais déjà en colère à 13 ans et donc je me suis j'ai demandé à mon père tout de suite si les garçons avaient automatiquement droit à la plus grosse part de gâteau puisque et mon père qui devait être très préoccupé puisque c'était je pense que c'était le début de la révolution algérienne m'a dit comme ça, mais d'un ton nonchalant, non, les filles ont les mêmes droits que les garçons. Voilà. Je ne sais pas s'il y a vraiment pensé, mais moi, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans ma tête. Et c'est vrai qu'après, tous ceux qui ont essayé de me dire le contraire n'ont jamais réussi à me convaincre. Et c'est vrai, j'ai dit à un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, que... Plus tard, quand mes déboires avec les jeunes révolutionnaires algériens, je disais que plus tard, évidemment, ils ne m'ont pas apporté le réconfort que mon père m'avait apporté et que symboliquement, d'une certaine manière, les fils avaient tué le père, voilà, puisque c'était les fils de la révolution. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que dans l'Algérie... c'était un patriarcat qui était dirigé par les frères plutôt que par les pères, et que la figure du père était tellement faible, justement, que c'était peut-être une des causes de la stagnation de la situation des femmes. C'est-à-dire que on peut pas s'attaquer à un patriarcat s'il n'y a pas un père, n'est-ce pas? Et voilà. Moi, ça, c'est une réflexion un peu complexe et compliquée, mais qui n'est pas dénuée de sens, n'est-ce pas? Oui, puis par vous attaquez les frères, mais vous dites aussi que les mères ont une part de responsabilité. Oui, les mères ont une responsabilité, mais je plaiderai pour les circonstances atténuantes quand même, dans la mesure où les femmes sont tellement fragiles dans ces sociétés, dans ces constructions, qu'elles, d'abord, elles ont peur. Elles ont peur pour leurs filles, n'est-ce pas? Elles ont peur pour leurs filles. Et alors, elles sont prises entre la peur pour la fille et l'amour immodéré pour les garçons. Et cet amour du fils, il vient sans doute peut-être des conditions dans lesquelles elles sont mariées elles-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des mariages arrangés. Disons que l'amour, c'est pas le déterminant principal de la vie familiale algérienne, au moins dans cette époque-là. Et donc, la femme va vivre par procuration sa vie de femme à travers son fils. En Méditerranée, le vrai couple, c'est pas la femme et l'homme, c'est la mère et le fils, n'est-ce pas? Et c'est à travers ce couple que va s'organiser les mariages, les rapports entre la femme et l'homme et l'époux, entre les deux, l'homme et la femme, et toujours avec cet obstacle qui est la mère au milieu, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement en Algérie, hein. On avait organisé il y a 2 ans en Corse un grand séminaire sur la famille, et il y avait des napolitaines. Alors vous allez me dire que Naples c'est pas très loin, hein. Mais c'est une femme napolitaine, une psychanalyste qui a dit, c'est elle qui a dit, et je reprends cette formule, en Méditerranée le couple c'est la mère et le fils. Donc les mères sont responsables, oui, parce que c'est elles qui vont transmettre les peurs, qui vont transmettre une forme d'éducation aux filles. Pendant très longtemps, par exemple, quand une jeune femme se plaignait auprès de la mère d'avoir été battue, et c'était des cas assez répandus, eh bien la mère disait « Chut, ne dis pas, et ne dis surtout pas à ton père ». Parce que bien évidemment, dès que le père savait que la fille était battue, il était obligé de mener une bataille, hein. Et à ce moment-là, c'était la guerre entre les familles. Et c'était le chaos. Et donc, on voit bien comment les femmes peuvent apporter le chaos si elles s'expriment, si seulement elles s'expriment. Et donc, là, on voit bien qu'on les empêche de parler, n'est-ce pas? Et comment la mère va les empêcher de parler parce qu'elle ne veut pas que le père sache que sa fille a été battue, parce qu'elle veut préserver l'ensemble, l'accord entre les familles, surtout quand on sait que les mariages se font entre cousins. Donc ça déclencherait des guerres terribles à l'intérieur des familles, qui restent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la cellule de base de la société. Hein. On ne peut plus dire ça en France, n'est-ce pas? Mais on peut dire ça encore dans ces pays-là. On peut dire que la base de la société, c'est vraiment la famille. Wassila Tamzali, vous dites aussi dans votre livre que vous avez été finalement déçu assez vite par cette révolution, dans le sens où vous attendiez de cette révolution une libération des femmes, un nouveau code de la famille, un nouveau statut pour la femme, que ce statut finalement n'est jamais venu, et que dès le départ, c'est la révolution qui a trahi les femmes. Oui, alors j'attendais pas une libération des femmes, j'attendais au moins une prise en compte des problèmes des femmes. Parce que c'est vrai que le mot libération, c'est un mot que je vais découvrir avec le temps. Je suis pas née féministe. Hein. J'ai vraiment... Oui, évidemment, j'avais le sens de la justice et de l'injustice. Et c'est sans doute ce qu'on a quand on est enfant, hein, qu'on peut avoir et qui va se transformer après avec le temps en presque un intérêt pour la chose publique et pour la politique. Mais le départ de mon engagement, c'est pas tellement la libération des femmes, c'est le fait que l'État ne remplisse pas sa mission. Voilà. C'est ça qui me choque profondément. J'étais stagiaire au parquet d'Alger et je recevais donc les femmes, parce qu'évidemment j'étais femme, donc on m'a fait recevoir les femmes. Mais bon, ça c'est pas un problème. Et là, je découvre la condition des femmes. Je ne connais pas la condition des femmes. Moi, je suis élevée plutôt dans un milieu privilégié et qui respecte les femmes et voilà, et qui a une approche très molle avec la religion, avec la tradition. Oui, c'est vrai, la tradition, ça existe chez moi, mais c'est une famille qui est très ouverte sur... Je découvre la condition des femmes, la misère des femmes, la misère économique, la misère culturelle, la misère... Dans le livre, je rappelle cette rencontre avec cette jeune femme qui ne sait même pas comment elle s'appelle, qui me dit que son mari s'appelle Mohamed... et qui me dit que son père s'appelle Mohamed, qui ne sait même pas dans quel village elle est née, qui ne sait pas où elle habite, et que le mari a mis dehors avec des seins pleins de lait, puisqu'il lui a enlevé son bébé qu'elle était en train d'allaiter. C'est ce que j'appelle la jeune fille au sein de pierre. Et ça, c'est une image qui va beaucoup me choquer. Et à l'époque, je ne pense pas à la libération, je pense qu'il faut venir en aide à ces femmes, qu'il faut les protéger, qu'il faut... faire un travail d'éducation, qu'il faut faire... Je pense pas du tout à la libération. La libération, c'est une idée qui vient après. Je suis prise dans cette matrice révolutionnaire qui dit qu'il faut libérer tout le peuple. Je pensais pas qu'il fallait libérer les femmes. Je pensais qu'il fallait libérer tout le peuple, hein, d'abord. Et donc, quand je vois ces femmes malheureuses, je pense pas à la libération. Je pense même pas à la mienne. Moi, je me considère comme libérée. Et je ne suis pas libérée, en fait, mais je me considère comme libérée. Et mes camarades non plus, hein, les universitaires, etc. C'est la différence avec le mouvement féministe français que je vais rencontrer plus tard, que je vais connaître, et qui commence vraiment par un apprentissage de la liberté singulière. C'est tout l'héritage de Simone de Beauvoir, n'est-ce pas? Et qui est très important, vous savez... il y a maintenant 3 ou 4 ans, quand je suis allée à Constantine, j'ai rencontré des jeunes filles magnifiques. Elles sont venues me voir après, elles m'ont dit « on veut faire quelque chose pour les femmes, madame, on veut faire ». J'ai dit, elles étaient très jeunes, j'ai dit « écoutez, faites quelque chose pour vous d'abord ». « Mais quoi, madame ?» Je disais « lisez Virginia Woolf d'abord ». Parce que, voyez-vous, quand, avec le temps, je me suis rendu compte combien les propos de Simone de Beauvoir étaient justes, quand elle dit que... L'objet du féminisme, c'est d'abord soi-même, n'est-ce pas? Et l'objet de la libération, c'est d'abord soi-même. Et vous faisiez référence à ce texte de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Une chambre à soi, voilà. Oui, bien sûr. Mais dans ce sens-là, je trouve que Simone de Beauvoir, enfin, en tout cas, elle m'aide davantage aujourd'hui. Hein. Virginia Woolf, c'est magnifique. Mais Simone de Beauvoir m'aide beaucoup parce que je crois qu'elle a mis le doigt sur une question qui est fondamentale et une question sur laquelle nous devons encore travailler, nous les féministes du sud de la Méditerranée, c'est la question de la libération personnelle et singulière qui seule peut nous rendre capables d'accéder ou d'aider en tout cas à un mouvement de libération collective. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les révolutions arabes, c'est cette question-là de la liberté individuelle qui est au cœur de la révolution arabe. C'est-à-dire, nous avons été tellement emmaillotés dans un dogmatisme post-révolutionnaire, tiers-mondiste, n'est-ce pas, hein? Lisez les écrits tiers-mondistes et vous verrez qu'on ne parle pas des individus. On parle des pays, on parle des nations, on parle des cultures, on parle de la lutte anticolonialiste, on parle des combats avec l'Occident, mais on ne parle pas de l'individu. L'individu, ce sont les écrits existentialistes qui vont m'introduire là-dedans et qui vont me permettre de comprendre avec le temps combien il est important d'abord de se libérer soi-même avant de parler de libération. C'est ça le propre du mouvement féministe. Et pourtant, imperceptiblement, vous commencez à sentir des choses qui ne collent pas, des choses qui ne trouvent pas vraiment de point de rencontre. Cette histoire de la révolution que le régime est en train d'écrire, et puis toutes ces femmes que vous rencontrez à l'Union nationale des femmes algériennes, où effectivement il y a ces anciennes maquisardes qui ne racontent pas ce qu'elles ont réellement vécu, les humiliations qu'elles ont subies. Tout à fait. Et vous commencez à vous dire, mais pourquoi finalement est-ce qu'elles ne peuvent pas le raconter? Il y a aussi des prises de conscience comme ça au fur et à mesure. Oui, alors il y a une prise de conscience peut-être un désir de vérité, parce que je pense que la vérité c'est très important. Quand je rencontre la présidente de l'Union des femmes algériennes, l'UNFA, hein, très célèbre, sigle très célèbre dans les années 70, même 80. Je rencontre cette femme merveilleuse, Nafisa Laliam, elle s'appelait, elle est morte maintenant. Une grande dame, une des premières gynécologues algériennes, qui monte au maquis, une grande bourgeoise, qui monte au maquis et qui accepte des choses qu'elle juge secondaires. Par exemple, que le messager qui monte au maquis ne veut pas lui remettre le journal parce qu'il le remet au docteur. Et que pour lui, le docteur, c'est pas une femme. Bon. Ben là, il n'y a rien, il n'y a pas d'intervention. On ne lui dit pas, écoute bien ici, le docteur, c'est elle, tu vas lui remettre le journal. Non. Elle dit, bon, remettez-le à l'infirmier, et l'infirmier lui remet à elle. Ça, c'est la première chose. Ou alors, comme m'a-t-elle dit, on m'a obligée à mettre une gandoura sur mon pantalon. Hein. Une gandoura, c'est une robe longue, d'accord. Et je me souviens, je lui avais dit, mais ça vient après... Après mon entrée à l'Union des femmes, hein, ça vient beaucoup plus tard, quand je la rencontre à Paris, qu'elle est en train de se faire soigner, et je lui dis, mais Nafisa, pourquoi tu écris pas tout ça? Tu sais, parce que nous, on se demande pourquoi on est dans cette situation. Et pour nous, ma génération, elle était beaucoup plus vieille que moi, et pour ma génération, c'est une question douloureuse d'avoir été trahie par la révolution algérienne, en quelque sorte. Et elle me dit cette chose magnifique et pathétique et que je respectais absolument. Elle me dit, écoute, la révolution algérienne, c'est sacré. Et je ne veux rien dire contre la révolution algérienne. On avait deux approches différentes. Je pense que la meilleure manière d'aimer la révolution algérienne, c'est de dire la vérité. Et ça, c'est très important. On dit qu'il faut 40 ans pour dire les choses, hein, voilà. Je crois qu'on est rentré maintenant dans cette phase. Les femmes au maquis n'ont pas été bien traitées, non, elles n'ont pas été bien traitées. Votre oncle aussi vous raconte. Oui, mon oncle, mon cousin. Je me souviens, j'étais à Genève et j'avais vu avec mon oncle un film yougoslave sur des femmes dans un maquis. Et c'était un film atroce où se mêlait tout, le pouvoir. L'amour, la jalousie, etc., et qui finissait par la mort de certaines maquisardes qui étaient... Voilà. Et je me souviens, j'avais 17 ans, hein. Et en sortant, mon oncle a dit cette phrase que je n'avais pas compris au début et qui maintenant me fait sens. Et il m'a dit, tous les maquis se ressemblent. Mais il ne m'a pas dit, évidemment, parce qu'il ne voulait surtout pas me le dire. Et ensuite, on m'a raconté d'autres histoires. Le cousin germain de mon père, qui était médecin et qui était avec le colonel Amirouche, à qui un jour lui demande de faire un contrôle de virginité sur les maquisardes. Et il entraîne les maquisardes avec lui et il leur dit, à première occasion, vous partez. Parce qu'il y avait une ambiance lourde, n'est-ce pas? Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans les maquis. Je pense qu'on va commencer à en parler. D'abord, il faut savoir qu'il y avait deux sortes de femmes. Il y avait celles qui venaient des villes parce qu'elles avaient été repérées dans des réseaux de résistance urbaine. Et donc, on les faisait sauver et on les envoyait dans le maquis. Ces femmes-là étaient des universitaires ou des écolières. Et que quand elles sont arrivées au maquis, elles étaient beaucoup plus instruites que les maquisards. Et en même temps, elles représentaient des profils de femmes qui surprenaient. Elles avaient transgressé les modèles traditionnelle de la femme. Elle portait en elle une forme de subversion qui avait été vite repérée par les maquisards. Et elle vivait comme des Françaises. Hein? Et donc, il y avait beaucoup de suspicions à leur égard, n'est-ce pas? Et il y avait une autre... Alors, c'était elle. En général, elle devenait infirmière. Et on leur faisait faire des piqûres, des choses comme ça. Et puis, il y avait les femmes qui étaient des femmes du terrain. Elle lavait les vêtements des soldats, elle faisait le pain, elle cachait, elle transportait des armes, elle transportait des messages, etc. Donc, évidemment, à un moment donné, on a arrêté de recevoir des femmes dans les maquis. On a gardé les femmes qui étaient sur le terrain, mais on a interdit aux femmes l'accès du maquis. Il y a, dans le livre de Gilles Meynier sur la guerre d'Algérie, il rapporte une décision qui avait été publiée, qui dit qu'il ne faut plus accepter de femmes en maquis, même si elles sont en danger. Vous voyez? Et ce texte a été publié. La Wilaya 4 l'a publié. On ne peut pas avoir de doute là-dessus, n'est-ce pas? Donc à partir d'un certain moment, on n'a plus pris de femmes au maquis, à partir de 1957 à peu près. Oui, 57. 57, voilà. Donc, l'autre chose, c'est qu'on n'a donné aucun grade aux femmes. Il n'y a pas une femme de la résistance qui a un grade. Il n'y en a pas. Pour revenir à Nfissa Lalyam, par exemple, qui était un médecin de très, très grande expérience, eh bien, on ne lui donne pas le commandement de l'unité médicale. On fait venir de Tunis un jeune médecin pour la commander. La chose merveilleuse, c'est qu'il tombe amoureux et qu'il se marie après. Ça, c'est très, très bien. Mais son futur mari vient pour commander la section de santé où il y a cette femme qui est non seulement un grand médecin, qui est déjà un médecin depuis plusieurs années, et qui est politiquement une des femmes qui a été engagée dès 1939 et dès 1940, quand elle monte la première association de femmes avec un parti politique, avec l'étoile nord-africaine, elle monte la première association de femmes. Donc voilà une femme qui est professionnellement un médecin d'expérience et qui est politiquement une femme formée, politiquement. Eh bien non, on ne lui donne pas de commandement. Et ça, c'est l'autre remarque que je ferai. L'autre chose, c'est qu'on n'a donné aucun grade aux femmes. Il n'y a pas une femme de la résistance qui a un grade. Il n'y en a pas. Et puis alors après, évidemment, l'oubli total des femmes dans la Révolution. Bien évidemment, nous, les féministes, on le savait, on ne l'a pas dit tout de suite. Parce qu'on a voulu, c'est un argument. Notre argument, c'est les femmes ont participé, maintenant il faut, il faut aller jusqu'au bout. Et elles ont participé, mais on ne leur a pas donné de responsabilité. Par exemple, parmi ces jeunes filles qui vont subir une visite médicale, mais qui ne subiront pas une visite médicale dont je viens de parler là tout à l'heure, une de ces jeunes filles va se retrouver à Tunis, dans une maison, dans un foyer pour toutes ces maquisardes qu'on envoie à Tunis. Eh bien, il faut savoir qu'à 8 heures du soir, elles étaient obligées de rentrer à la maison et qu'elles étaient enfermées. Alors voilà des jeunes femmes qui vont prendre tous les risques de la vie, et certaines ont été torturées, certaines vont mourir, n'est-ce pas? Et les rescapées, elles vont se retrouver à Tunis, dans un foyer pour jeunes filles, et elles vont être contrôlées comme des adolescentes de 13 ans, n'est-ce pas? Voilà comment ça se passe. Et cette jeune femme me disait, parce qu'après elle est devenue, elle épouse un de mes cousins aussi, elle me disait que, à l'époque, elle sortait pas, et quand elle sortait, elles étaient obligées de se tenir à carreau, parce qu'elles étaient contrôlées par les frères, comme elle disait, elles étaient très contrôlées. Alors, évidemment, les femmes algériennes, il faut ajouter à ça, il faut répéter, parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter après avoir dit tout ça, c'est qu'elles ont massivement participé. Vous savez, quand je fais aujourd'hui des conférences sur les révolutions arabes, aujourd'hui, je comprends bien le phénomène, parce qu'aujourd'hui aussi, elles participent massivement. Les femmes participent toujours aux grands événements politiques, toujours. Mais pas en tant que femmes. Pas pour elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne réclament aucun droit. Elles n'ont même pas l'idée de réclamer des droits, n'est-ce pas? Là, on tombe toujours dans cette histoire terrible. Les femmes sont condamnées pour des questions de timing. C'est pas le temps d'eux. Voilà. C'est pas le temps de parler des droits des femmes. C'est pas le temps de s'occuper des femmes. Et vous dites d'ailleurs, et peut-être nous allons conclure sur cette idée, vous dites qu'effectivement, ce n'est pas forcément l'islamisme des années 90 qui a attaqué la condition de la femme, mais c'était en germe dans cette révolution. Et vous décrivez donc ce qui a pu effectivement être le début de cette mise à mal des femmes dans la révolution. Et pourtant, dans votre livre, et c'est très émouvant de lire ça, vous évoquez la tendresse des gynécées, les secrets qu'on vous passe dans les cuisines, le pouvoir jaloux des femmes sur les hommes, et puis ce que vous appelez, vous dites vous-même, vous appelez ça avec réticence, votre culture de femme musulmane. Oui, oui, mais ça, c'est, je ne peux pas renier, ça c'est... Et puis, il y a une forme de beauté, on peut très bien... Je ne pense pas que ça soit incompatible, la tradition, quand elle est vivante, quand elle est ouverte, je ne pense pas que ce soit incompatible. Et je garde un souvenir émue. D'ailleurs, ça m'a beaucoup, beaucoup appris dans la vie. C'est ce que je dis. Même dans mon travail de féministe, j'ai beaucoup pensé à ça. De voir le regard des femmes quand elles donnent à manger aux hommes. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que elles acceptent leurs conditions, parce que là, elles exercent un vrai pouvoir sur les hommes, sur les pères, sur les frères, sur les fils. Elles exercent un vrai pouvoir. Et en échange de quoi ? Bon, elles sont prisonnières, parce qu'en échange de quoi ? Elles se sont bâties une identité, une justification. Vous savez, moi, je raconte toujours une histoire que je trouve magnifique, que j'adore. Très vite, ma mère a compris que, bon, voilà, j'étais un peu particulière, que c'était pas la peine de rêver de me faire épouser mon cousin. Et puis, elle s'est rabattue un peu sur les côtés un peu flamboyants. Ma fille est avocate, mais ma fille, elle est brillante. Bon, toutes ces histoires, ça faisait passer le reste. Le reste, ça faisait passer le reste. Et quand je me suis installée à Paris, donc elle est venue me voir, et moi je n'avais jamais fait la cuisine, je ne savais pas. Mais j'ai tout réinventé, j'ai tout redécouvert, ça c'est magnifique, c'est merveilleux. Et un soir, il y avait un dîner à la maison, j'invitais beaucoup de gens quand elle venait, parce que j'avais peur qu'elle me sente seule, je voulais la rassurer. Et donc, mais c'est elle qui faisait la cuisine à ce moment-là, d'accord. Et il y avait un soir, un dîner, il y avait Tahar Ben Jelloul, qui est marocain, comme vous savez, et il y a toujours une rivalité entre les Algériens et les Marocains. Et ma mère dit à Tahar, alors Tahar, vous ne connaissiez pas ce plat, hein ? C'était un plat qui s'appelait la rechta. C'est une forme de pâte très fine, cuite à la vapeur, dans une sauce un petit peu équivalente au couscous, voilà. Et Tahar lui dit, non, non, madame, je connais. Elle dit, mais comment, mais c'est pas marocain. Je dis, non, mais Wassila nous a fait une rechta. Et ma mère me regarde, mais sidérée, mais même agressive, je dirais. C'est toi qui as fait ça ? Ben oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais comment tu as fait ça ? Ben, j'ai fait ça, c'est simple. Voilà, le problème, c'est que la cuisine, c'était un pouvoir qu'il fallait pas déflorer, hein, qu'il fallait garder secrètement. On passait des heures dans les cuisines, même si on faisait pas la cuisine soi-même, parce que dans les cuisines que moi je connais, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes, etc. Mais la cuisine, c'était la porte fermée. Et derrière cette porte, il y avait une cuisine terrible qui se faisait. Hein, et que dans cette cuisine, c'était tout le rapport avec les frères, les pères, etc., etc., qui jouaient. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais pensé que la tradition, c'était un obstacle à la liberté. Jamais. Parce que ma tradition, elle est formidable, elle est encombrante. Je pense que je me considère pas comme une femme libérée, ni émancipée. Même si je donne peut-être une image différente, je ne me considère pas, non. Je suis vraiment, je suis encore dans la dialectique tradition et liberté. Vraiment, je suis là-dedans, voilà, tout le temps. C'est pour ça que je comprends bien les femmes qui sont opprimées et que j'essaye d'aller vers elles, que j'essaye de parler avec elles, comme ces jeunes femmes qui mettent le voile, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wassila Tamzali. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Philippe Etienne. Réalisation, Nathalie Salle. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Perrine Kervran avec Wassila Tamzali. à voix nue. Ce soir encore, Perrine Kervran rencontre Vassila Tamzeli. Tout de suite, tour et détour de l'exil et du retour. Vassila Tamzeli, bonjour. C'est aujourd'hui le dernier de nos entretiens et en quelque sorte la conclusion d'un récit qui nous a fait aller de l'Algérie coloniale à l'Algérie paralysée, en passant par les espoirs immenses suscités par l'indépendance et la désillusion et les tragédies de la décennie sanglante. Mais votre récit est aussi celui de votre itinéraire intérieur qui vous a vu à un moment renier les vôtres, ces bourgeois modernes et laïcs qui ont été désignés comme traîtres par la Révolution pour mieux épouser les idéaux de cette nouvelle Algérie à laquelle vous aspiriez et qui a fait table rase du passé. On comprend alors que la révolution algérienne, en travestissant son histoire et en reniant son passé, ne pouvait qu'échouer. C'est donc finalement une fidélité à votre père, tué par cette indépendance à laquelle il aspirait, à votre éducation et à vos aspirations qui vous ont fait quitter l'Algérie en 1979. Et c'est cette question de l'exil que je voudrais aborder aujourd'hui, cet exil qui vous a permis de prendre le recul nécessaire pour voir cette trahison en face et écrire ce livre, Une éducation algérienne. Aujourd'hui, dernier volet, tour et détour de l'exil et du retour. Là encore, pour ce dernier entretien, je voudrais commencer par une image. Donc c'est vous encore, sur une place, devant le théâtre de l'Odéon, en plein soleil, seul à une terrasse de café. Enfin tranquille, oui. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que je ne quitte pas l'Algérie, parce que l'Algérie m'a trahi. Je ne sais pas encore... Et en tout cas, c'est pas du tout lié à la mort de mon père, pas du tout, non. Je quitte l'Algérie parce que je pense que l'Algérie vit à son rythme et que moi, je veux retrouver le mien. Voilà, c'est ça. Et ce n'est qu'après, si vous voulez, que je découvre qu'en réalité, c'est pas vrai, que l'Algérie et moi, on est au même rythme et que je me suis laissée avoir et que je suis partie comme ça. Ceci dit, je regrette pas du tout d'être partie parce que j'ai eu des expériences formidables et d'avoir travaillé au niveau international. J'ai rencontré des personnes, surtout des femmes extraordinaires. Voilà. Donc je regrette pas du tout d'être partie. Avant de partir, j'étais déjà, comme vous dites, des tours et des détours, c'est ça ? Des tours, des détours, des tours, des retours. Des tours et des retours, voilà. Une noria, voilà. C'est une image que j'emploie d'ailleurs, une noria. J'étais déjà dans cette noria. J'avais des points de chute privilégiés. C'était d'abord la Tunisie, qui a été Sidi Bou Saïd, qui a été un lieu où j'allais me reposer des bruits, des moteurs... et des chantiers algériens, parce que l'Algérie était un chantier. D'ailleurs, l'Algérie est toujours un chantier, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'allais me reposer dans un pays où les maisons avaient été construites il y a longtemps, où il y avait des fleurs accrochées aux fenêtres, où les gens étaient dans des histoires continues, lentes. Donc, il y avait Sidi Bou Saïd, c'était un lieu magnifique. J'avais d'ailleurs rencontré là-bas Tom Brady, qui était un grand journaliste du New York Times, qui avait été enlevé dans l'avion avec Ben Bella. Et quand il m'avait vu arriver, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Et il me disait, qu'est-ce que tu cherches ? Je disais, rien. Et il me disait, ce que tu cherches, tu vas le trouver ici. Pourquoi tu commences pas à t'installer ici ? Et je lui disais, mais non, justement, le problème, c'est le chemin. C'est ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on trouve. Parce qu'on trouve, voilà. Et donc, je me suis jamais installée à Sidi Bou Saïd. J'aurais pu m'installer à Sidi Bou Saïd. Et j'avais aussi une autre ville que j'adorais, c'était Rome. Voilà. Alors là, pour le coup, une ville qui vivait dans son passé, c'était formidable. Hein. Ça me guérissait de cette ville d'Alger qui se faisait dans la violence, le bruit... Et puis Paris, évidemment, parce que c'était le lieu de... C'est là où j'achetais mes livres, c'est là où j'allais au cinéma, j'allais au théâtre, j'allais au musée. Voilà, Paris, c'était... Pour tous les francophones, c'est quand même... C'est la Mecque, quoi, c'est la Mecque. Et je faisais des va-et-vient qui se sont rapprochés avec le temps et qui devenaient un peu névrotiques, d'ailleurs. Quand j'arrivais à Paris, par exemple, j'allais... à l'hôtel Montana, qui est au-dessus du Flore. Et je sortais pour aller acheter un livre à la Une. Je descendais le lire au Flore. Et puis j'allais manger en face, c'était chez Lib, voilà. D'ailleurs, quand on m'invitait en dehors de Saint-Germain-des-Prés, je disais non, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Et je me suis rendu compte que c'était plus des voyages, quoi. J'allais. D'ailleurs, maintenant, j'en ai même fait un concept, hein, si vous voulez. C'est le nomadisme, c'est-à-dire qu'un nomade voyage pas pour découvrir. Il voyage parce qu'il a besoin de se retrouver dans des lieux où il trouve des choses qui sont intransportables. Ce que je trouvais à Sidi Bou Saïd, c'était intransportable. Ce que je trouvais à Rome, c'était intransportable. Et ce que je trouvais à Paris, c'était intransportable. Et ce que je vivais à Alger, c'était intransportable. Et aujourd'hui, je suis exactement dans la même situation. C'est-à-dire que j'ai réduit hein, mes points de chute. Je vais moins à Rome. Je vais presque plus à Rome. Et je suis entre Paris et Alger, où j'écris. Voilà, j'écris. Et j'ai besoin des deux. Et entre Paris et Alger, j'ai ouvert un autre lieu de nomadisme. Je dis pas où c'est. C'est sur la Méditerranée, c'est dans une île. Voilà. Et là, je suis vraiment, c'est la position idéale, parce que je suis au milieu et je regarde la mer. Et toujours, pour aller de moi à moi, je dois traverser la mer. Hein. Et donc là, je suis vraiment... l'idéal, c'est d'être sur une île, quoi. Alors, en 1979, voici la Tabzali, vous n'arrivez pas donc sur une île, vous arrivez à Paris, et vous allez commencer à travailler à l'UNESCO. Et donc, vous dites que vous arrivez à l'UNESCO avec un rêve d'universalisme, et on vous met à nouveau sur le dos une étiquette de femme arabe et musulmane. Là, vous décidez donc de travailler, enfin, vous travaillez sur la question de la condition féminine en Méditerranée. Et vous dites que vous êtes de nouveau celle qui va trahir sa tribu tiers-mondiste. Vous évoquez Rigoberta Menchú qui dit que le féminisme est un colonialisme. Et C'est le dernier du décolonialisme. Oui, dès que je l'ai vue, elle m'a tapé sur les nerfs, vraiment. Je déteste ces discours. Je déteste ces discours qui ramènent les êtres humains à des cultures anthropologiques. C'est vraiment, c'est du colonialisme à rebours, quoi. C'est vraiment du colonialisme à rebours. Je me suis toujours insurgée là, contre ça. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai retrouvé à l'UNESCO les gens que j'avais fui, au fond, d'une certaine manière, qui veulent réduire l'être humain à des données anthropologiques, quoi. C'est le sens de la liberté. Je pensais que l'UNESCO, c'était un peu la Mecque de l'universalisme. Et c'est d'une certaine manière, parce que les textes fondateurs, les textes que j'ai eu à défendre, tout mon travail, c'était basé là-dessus. Mais il a fallu le défendre, il a fallu... Parce qu'à l'UNESCO, je me suis trouvée prise entre deux obligations, celle de le respect des différences culturelles, hein, des différentes cultures... Il faut dire que ça, c'était vraiment là, on était en plein tiers-mondisme. Surtout quand je suis arrivée, le directeur général était un Sénégalais, donc l'idée majeure, c'était le retour des cultures, l'égalité des cultures, c'est-à-dire on mettait sur le même pied une culture qui produit de la pensée, une culture qui produit des modes de vie, quoi. Et ça, ça a été. Il y a par exemple un des livres. De quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais enfin, ce livre est remarquable, c'est La défaite de la pensée de Finkielkraut, hein. Et il est parfait, son livre, sauf qu'à la fin, il pense que il y a que les Occidentaux qui peuvent être dans le lieu de la pensée, que les autres ne peuvent pas y adhérer. Donc, il se contredit un petit peu, c'est la chute terrible du livre. Mais, d'une certaine manière, toutes les pages qui précèdent ça, c'est intéressant à lire. Et j'avais vraiment ce sentiment, parce que l'émancipation des femmes, l'émancipation des êtres humains, pas seulement des femmes, mais moi je m'occupais des femmes, essentiellement, et passe vraiment par l'universalisme. Parce que d'une certaine manière, le racisme, ça naît aussi de ça, c'est-à-dire cette différence de traitement qu'on fait subir aux populations, à la moitié de la population, voyez-vous. Comme en France, quand on me dit « n'attaque pas le voile parce que tu mets en cause les émigrés ». Les émigrés sont des populations fragiles et discriminées. Oui, je dis d'accord. Mais moi, je pense qu'un des chemins qui mènerait à un respect, à une reconnaissance de nous en tant qu'autres, c'est évidemment l'émancipation des femmes. C'est très important. Le voile m'a beaucoup inquiétée aussi pour ça. Parce qu'il mettait en scène... faussement d'ailleurs, c'est un théâtre aussi, un théâtre de masques, il mettait en scène une différence sexuelle qui, c'est Freud qui le dit, qui conduit au racisme, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus suspicieux entre deux peuples, deux cultures, que de croire qu'on est devant une culture qui a une pratique sexuelle différente, n'est-ce pas ? Et le rapport qu'ont les musulmans, entre guillemets, hein, parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce rapport qu'ils ont avec les femmes nous renvoie inévitablement à la question de la sexualité, parce que c'est là que ça se passe. Alors, qu'est-ce que serait cette sexualité qui nécessite qu'on voile les femmes pour ne pas les désirer ? Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait peur, n'est-ce pas ? C'est ça qui conduit au vrai racisme. On ne peut pas imaginer... vous savez, on dit aujourd'hui, oui, on le fait, mais même moi je le fais. Oui, c'est pas l'islam, c'est pas la religion, c'est l'interprétation de la religion. Mais toutes les religions, quelle que soit l'interprétation, c'est un obstacle à la liberté. Et c'est évident, c'est évident. Qu'après, on arrive dans une conscience moderne, qu'on arrive à intégrer une spiritualité et une conscience forte de la liberté, ça c'est formidable, et ça existe absolument. Mais aujourd'hui, c'est pas l'idée dominante de la religion qui m'intéresse et qui rend prisonnière les femmes, voilà. Et puis bon, moi j'ai beaucoup vagabondé, j'étais d'un lieu à l'autre, mais même en Algérie, c'était, comme je dis, en Algérie, la cinémathèque c'était un bivouac, hein. C'est-à-dire qu'on était pris dans un grand mouvement de l'histoire qui nous dépassait, qui nous a dépassé de plus en plus, hein, et qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Et la cinémathèque, c'était un bivouac. On venait se réfugier à la cinémathèque. On venait rencontrer des mêmes voyageurs. Hein. On partageait des films japonais, on partageait les films allemands. Et on parlait du peuple algérien, mais on le voyait pas beaucoup, hein. On le voyait pas beaucoup. En tout cas, à la cinémathèque, il y avait pas beaucoup de. Ce peuple algérien ne venait pas à la cinémathèque. On rêvait. Mais c'est bien. Moi, je revendique le droit de rêver. Oui, c'est important. En tout cas, je pense qu'on rêvait, mais que l'idée de réclamer l'égalité, c'est-à-dire des droits qui défendraient les femmes, je crois que c'était pas un rêve. C'était quelque chose de très rationnel, de très lucide, d'ailleurs. Je pense que nous étions, d'une certaine manière, si je vois le bilan d'aujourd'hui, par exemple, les rêves que nous avons eus sont beaucoup plus lucides que les autres projets qu'on avait à cette époque. Parce que si on nous avait écoutés, on ne serait pas aujourd'hui confrontés au salafisme comme on est confronté, c'est-à-dire la vision la plus réactionnaire, la plus rétrograde de la religion musulmane. Et on rêvait à autre chose. Et on pouvait le faire. C'est pour ça que c'est pas... Vous savez, il y a rêver d'ailleurs, c'est une utopie. C'est mieux que le rêve. Parce que l'utopie, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une réalité et qui se projette dans l'avenir. Je dirais que nous avions un rêve révolutionnaire, une utopie révolutionnaire et universaliste, alors que les islamistes, eux, ont un rêve religieux. C'est-à-dire qu'ils rêvent au paradis, hein, voilà. C'est pas, faut voir la différence, hein. Notre utopie, c'était un pays fraternel, égalitaire, libre. Vous savez, quand vous marchez aujourd'hui dans la rue d'Alger, et demain, dans la rue de Tunis, ça sera la même chose, et dans la rue d'Égypte, ça sera la même chose. On a un vrai sentiment d'oppression. Hein. On a un vrai sentiment d'oppression. Et c'est une oppression physique, corporelle. On la sent, hein, c'est même pas la peine de parler. Hein. Et ça, ça s'est installé peu à peu. Et c'était très différent. C'était très différent. Et vous évoquez d'ailleurs dans ce livre, Une éducation algérienne, Wassila Tamzali, vous évoquez ces années 90 qui voient la victoire aux élections des islamistes et puis la reprise en main que vous déplorez par l'armée de l'Algérie. Et puis les arguments qu'on vous oppose à l'époque, notamment en France, oui, l'armée va sauver l'Algérie de l'islamisme, et vous vous dites non, l'islamisme est déjà là. Oui, l'islamisme est déjà là, et surtout qu'il a été, il a été installé par les mêmes qui voulaient nous en protéger, hein, de toute façon. Mais ce qui a été pour moi le plus révélateur, le plus dur et le plus douloureux, et ce qui a déclenché d'ailleurs ce livre, c'est le fait que des Algériens tuent des Algériens. Ça m'a sans doute ramené à mon drame initial et au drame de la guerre d'Algérie où beaucoup d'Algériens ont été tués par des Algériens. Votre drame initial, le fait que votre père... Que mon père a été assassiné par un jeune enfant de son pays, oui. Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder. C'est-à-dire que j'étais passée d'une acceptation, au fond, de dire, bon, oui, l'Algérie, il faut du temps, à un ras-le-bol de colère. Parce que là, j'ai pu me rendre compte que nous étions au bord du précipice. Je crois que la guerre civile en Algérie des années 90... devrait faire réfléchir tout le monde. Et malheureusement, d'une certaine manière, c'est un peu tard, parce que ce qui a été mis en place, ce dispositif mis en place pendant 50 ans, hein, pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est à peu près la même chose. C'est notre histoire, on a une histoire commune, on a tous été indépendants en même temps. Il y a une expression que j'aime bien, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que dès qu'il y a des velléités démocratiques, on crée des contre-pouvoirs religieux. Et à l'intérieur des pouvoirs religieux maintenant, on crée des contre-pouvoirs contre-religieux, n'est-ce pas? Les islamistes modérés, les, entre guillemets, je n'y crois pas, mais on dit ça, les salafistes. C'est-à-dire on fabrique des systèmes, des modèles explosifs à l'échelle d'un pays. Peut-être on pourrait aussi boucler la boucle en disant que ce que vous... mettez aussi au centre de ce livre, c'est la question de la violence de cette décennie des années 90, de la violence de cette guerre d'Algérie, et de cette question de la morale politique qui n'a pas été finalement élaborée, et de cette violence dont on n'a pas su se détacher. Et finalement, vous mettez aussi cette question-là au centre de votre livre comme une des raisons principales. Oui, en parlant de Camus, d'ailleurs, en parlant d'Albert Camus, parce que... Quand Albert Camus meurt, je suis en classe de philosophie à Alger et tout le monde est content. Les Français sont contents parce que Camus a trahi les pieds noirs et les Algériens sont contents parce que Camus a trahi la révolution algérienne en disant entre cette... Alors on lui fait dire entre la violence et ma mère, je choisis ma mère, mais en réalité c'est une phrase qui a été tronquée par le réseau Janson qui était contre Camus et Camus a dit... entre cette violence-là et ma mère, je choisis ma mère. Parce qu'on venait de lui parler des attentats à Alger. Et Camus, qui est un homme révolté, hein, Camus était pour la révolte. Il était pour la révolte. Mais ce qui est intéressant chez Camus, c'est qu'il nous dit que la violence est nécessaire, mais jamais justifiable. Or, ce que nous disent... Et les autres révolutionnaires, c'est que la violence est nécessaire et justifiable. Et ce que j'aime dans la définition de Camus, c'est-à-dire que la violence est nécessaire mais jamais justifiable, c'est qu'il trace le chemin très étroit de la morale politique, n'est-ce pas? Parce que si on accepte la définition de Camus, ça veut dire qu'en 62, au lendemain de la guerre, on aurait dû dire que la violence était... interdite ou que la violence n'était plus nécessaire et qu'il fallait la refuser. Or, le fait de dire que la violence est nécessaire et qu'elle est justifiable fait que la violence va continuer en Algérie et qu'on va continuer. Ça va être un mode politique, n'est-ce pas? On n'a pas su rompre. Évidemment, quand Camus meurt, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que j'ai 17 ans, mon père a été assassiné, mais je suis pour la violence, parce que j'ai l'éducation de tous les Algériens de l'époque, je suis nationaliste et je suis pour la violence. Et je pense que les attentats, même les attentats qui vont faire des morts et qui vont faire des morts pour les civils, je pense que ce sont des attentats qui sont légitimes, parce que c'est la seule défense du peuple algérien. Donc mon éducation, notre éducation, c'est une éducation à la violence, n'est-ce pas ? Et tous mes camarades sont dans la même situation que moi. Personne ne dénonce la violence des attentats. Personne. Et surtout pas moi. Alors que j'avais toutes les raisons de la dénoncer, puisque moi je connaissais la violence, puisque mon père venait d'être assassiné. Mais c'est comme ça. On est de son époque. On fait les erreurs de son époque. Et j'ai fait ces erreurs. Et cette idée de la morale politique m'est revenue pendant la guerre civile en Algérie, dans les années 2000. Évidemment, 1990, pour moi, Camus est redevenu central sur cette question, même s'il est passé à côté de l'Algérie, puisque il ne pouvait pas d'ailleurs reconnaître les Algériens, puisque c'était lui l'Algérien. Les autres, c'était des Arabes. Lui, c'était l'Algérien. Et s'il devait reconnaître dans les Arabes des Algériens, alors il ne savait plus qui il était. Donc il défendait vraiment son identité. Mais on est loin du nomadisme. Je suis toujours repris par cette actualité, parce que, évidemment, vous savez, c'est compliqué d'être contemplatif et de parler de soi. Oui, c'est important, bien sûr, je le fais, j'essaye de vivre aussi, mais en même temps, on est toujours repris par cette, plus que cette actualité, on est repris par ce destin collectif qui nous entraîne. Et moi, j'ai toujours essayé de me protéger contre ça, n'est-ce pas ? Et vous, d'ailleurs, vous dites, on n'est jamais vraiment en exil, on est toujours obsédé, vous revenez, d'ailleurs, en Algérie. Oui. Vous revenez pour retrouver cette ferme que vous avez quittée. Alors, je reviens, vous savez, je viens d'écrire un texte sur le pays natal, justement, sur le pays natal. Et c'est vrai que, à un moment donné, j'ai trouvé des pays où les oliviers étaient aussi beaux, où la mer était aussi belle, et où il y avait des mimosas magnifiques. Et c'est vrai que j'ai cru, là, trouver un pays. Mais je pense que ce qui a fait que pour moi l'Algérie, ça reste un pays unique, même si je suis une nomade, si je vais dans plusieurs pays, je considère que l'Algérie a une dette inextinguible à mon égard d'avoir assassiné mon père. Et la manière dont il a été assassiné, c'est-à-dire qu'il est mort sur le coup, et le jeune homme qui l'a tué a tiré une balle de revolver sous une lettre, donc il n'avait même pas vu le revolver. Et je pense que, c'est en écrivant ce livre d'ailleurs que j'ai compris les choses, et je pense que la dernière lueur d'intelligence de mon père, c'était de dire pourquoi, parce que, pourquoi ? C'est-à-dire que si ça avait été un soldat français, bon, il se serait dit, d'accord, je viens d'être découvert. Mais de voir un enfant de 17 ans habillé en burnous, c'est-à-dire comme les gens de la montagne de chez lui, tirer sur lui et mourir, c'est... Et d'ailleurs, il a retenu son assassin, puisque il est mort les bras refermés sur son assassin, et que l'assassin a été ramassé par la police comme ça, parce qu'il était sous le corps de mon père. Et cette, je pense que c'est cette question que je mets dans son cerveau, dans sa bouche, c'est-à-dire pourquoi, hein. C'est cette question qui explique un peu mon attachement terrible, enfin vraiment profond, non seulement à l'Algérie, mais mon attachement à la politique. C'est vraiment pour essayer de répondre à cette question. Alors, je sais que personne ne va me répondre, en tout cas pas maintenant, mais je sais que je ne cesserai de la poser, et que j'y répondrai moi-même. Mais ce que je veux, c'est une réponse solennelle, n'est-ce pas ? Et une réponse et une reconnaissance solennelle. C'est très important dans ces types de blessures, parce que c'est une vraie blessure. Ce type de blessure ne peut, au fond, commencer à... pas s'effacer, mais à perdre de son importance centrale, où on peut commencer à se reconstruire après une telle blessure que dans la mesure où, solennellement, on reconnaît qu'il y a eu une faute et qu'on vous demande pardon, d'une certaine manière. C'est pour ça que je tiens beaucoup, Je suis beaucoup pour que la France reconnaisse les crimes de la colonisation. Parce que ce n'est pas tellement pour déterrer les morts, mais c'est pour enterrer les morts, enfin, voyez-vous. Et ce livre, ça a été un peu... C'est un peu le livre d'Antigone, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était la sépulture de mon père, voilà. Et quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai mis tellement longtemps à l'écrire? Parce que d'une certaine manière, je crois que dans ce livre, qui a été beaucoup lu en Algérie, qui a été vraiment lu en Algérie, et même auprès de ma famille, auprès de mes nièces, auprès de mon frère, auprès de ma sœur, je crois que pour eux, c'est bien. Parce que je pense qu'eux aussi, avec ce livre, ils ont enfin recouvert ce corps qui était resté en dehors. Parce qu'on ne nous a pas donné le droit de vraiment l'enterrer, voyez-vous. Voilà, donc c'est un peu le livre d'Antigone. Et y a beaucoup d'Antigone qui sont en Algérie et qui attendent d'enterrer leur mort. Bon, le chemin peut vous paraître très long entre la démocratie et cette histoire, mais moi je pense que c'est très lié, voyez-vous. Parce que un des leviers de l'oppression, c'est le silence. Et le silence sur les crimes de la guerre, ça fait partie des moyens d'opprimer les gens. Voilà, il faut relire Michel Foucault pour comprendre. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. Fin de cette rencontre de Perrine Kervran avec Wassila Tamzali. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Nathalie Salle, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Cette série d'À voix nue a été diffusée pour la première fois sur France Culture en mars 2012. بينك وبيني بينك وبيني.